Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. De la prudence. Explication. Des vertus théologales, nous arrivons aux vertus morales ou cardinales, à la tête desquelles se place la prudence, dont nous allons faire connaître la nature, ensuite les parties, que nous examinerons en général, et en particulier quant à ses parties intégrales, subjectives, et potentielles. Le don qui correspond à la prudence est le don de conseil. Il y a des vices qui sont manifestement opposés à la prudence, ce sont, l'imprudence, la négligence, et des vices qui lui sont opposés avec une certaine ressemblance. Enfin, nous disons un mot des préceptes qui concernent cette vertu. Question 47. De la prudence considérée en elle-même. Siège de la prudence, sa nature, son objet, son étendue, est-elle dans les pécheurs? Vient-elle de la nature? Comment se perd-elle? 1. La prudence est-elle dans la puissance intellective ou dans la puissance appétitive? La prudence, qui, selon saint Augustin, est la connaissance de ce qui est à rechercher ou à fuir, et, d'après saint Isidore, la prévoyance de l'issue des événements incertains, appartient à la puissance intellective de notre âme et non à la puissance appétitive, car voir et prévoir n'est pas dans la nature des facultés appétitives, ni, à plus forte raison, dans celle des facultés sensitives, qui connaissent seulement les objets présents. Pressentir l'avenir au moyen du présent et du passé est un acte qui exige un certain travail de comparaison. Voilà pourquoi la prudence a son siège dans la raison même. Note. On nous dira qu'elle a pour fonction de choisir avec discernement, et que l'élection est un acte de la puissance appétitive. Il faut observer qu'avant l'élection il y a le conseil de la raison, qui lui appartient en propre. L'élection elle-même lui revient aussi, mais seulement par voie de conséquence, c'est-à-dire en tant qu'elle dirige la volonté par ses conseils. Le mérite de l'homme prudent consiste dans la mise en œuvre, qui est la fin de la raison pratique, et non pas dans la seule considération des choses. À la différence d'un art qui ne réside que dans la raison, la prudence applique notre volonté à l'action. Fin de la note. 2. La prudence est-elle seulement dans la raison pratique? La prudence, dit Aristote, est la droite raison appliquée à ce que l'on doit faire. Ceci ne pouvant appartenir qu'à la raison pratique, la prudence lui revient de droit. En effet, il est du ressort de la prudence de prendre conseil, et l'objet du conseil est de déterminer les meilleurs moyens pour arriver à une fin. Or la raison qui s'occupe des moyens d'atteindre un but n'est autre que la raison pratique. Note. La prudence est la sagesse dans les choses humaines. Elle applique la droite raison à ce qui est du domaine du conseil, c'est-à-dire aux choses où l'on ne procède pas, comme dans les arts, par des voies fixes et déterminées. Il n'y a pas de prudence spéculative. Fin de la note. 3. La prudence concerne-t-elle les choses particulières? La prudence doit appliquer les principes aux actions. Or nul ne saurait faire l'application convenable d'un moyen à une fin, s'il ne connaît pas tout à la fois ce qu'il doit appliquer et ce à quoi il doit l'appliquer. Nos actions étant individuelles, l'homme prudent doit, de toute nécessité, connaître les principes généraux de la raison et les choses particulières qui sont l'objet des opérations humaines. Note. Les choses particulières sont infinies, et nos prévisions incertaines, mais l'expérience ramène les infinis particuliers à quelques finis qui arrivent le plus souvent, Cette connaissance suffit à la prudence humaine. Fin de la note. 4. La prudence est-elle une vertu? La prudence, la tempérance, la justice et la force, dit Saint Grégoire, forment 4 vertus. La vertu est ce qui rend bon celui qui la possède et les œuvres qu'il fait. Les habitudes qui règlent les opérations de la raison sans s'occuper de la droiture de la volonté sont des vertus imparfaites. Celles qui ont pour objet de régler la volonté sont des vertus parfaites. La prudence est une habitude de ce dernier genre, comme elle applique la droite raison à l'œuvre, ce qui n'est possible que tant que la volonté elle-même est bien réglée. Elle n'est pas seulement une vertu intellectuelle, elle a de plus le caractère d'une vertu morale. 5. La prudence est-elle une vertu spéciale? La prudence se distingue d'abord des autres vertus intellectuelles, elle s'occupe des objets matériels et contingents, au lieu que la sagesse, la science et l'intelligence, vertus intellectuelles, ont pour objet les vérités nécessaires. L'art, que l'on range ordinairement parmi les vertus intellectuelles, se rapporte, comme elle, il est vrai, aux choses contingentes, mais il a pour objet ce que l'on façonne avec une matière extérieure, une maison, un couteau, tandis que la prudence se rapporte aux actes intérieurs de l'agent lui-même. La prudence se distingue, ensuite, des vertus morales, parce qu'elle a son siège dans la raison, et que les autres vertus morales résident dans les facultés appétitives. Ainsi nous devons maintenir que la prudence est une vertu spéciale, distincte de toutes les autres vertus. Note. Qu'elle vienne en aide à toutes les vertus, nous en demeurons d'accord. Mais cela ne suffit pas pour démontrer qu'elle n'est point une vertu spéciale. Rien n'empêche qu'il n'y ait dans un genre une espèce qui opère d'une certaine manière sur toutes les espèces du même genre, comme le soleil influe de quelque façon sur tous les corps. Fin de la note. 6. La prudence prédétermine-t-elle la fin des vertus morales? Les vertus morales ayant pour mission de produire le bien humain qui résulte de la conformité de notre âme avec notre raison, il est nécessaire que leurs fins existent dans notre raison même. Elles y sont, en effet, sous la forme de certains principes généraux connus naturellement de nous. Il appartient à la prudence, non pas de les déterminer, mais bien d'en déduire les conséquences pratiques et de disposer les moyens qui doivent nous conduire aux vertus elles-mêmes. Note. Ce qui prédétermine aux vertus morales leur fin, c'est notre raison naturelle, la conscience morale, la prudence leur ouvre seulement la voie par la disposition des moyens. Fin de la note. 7. Appartient-il à la prudence de trouver le milieu des vertus morales? La raison naturelle nous prescrit d'agir en tout d'une manière raisonnable. Or, dans la pratique, à qui est-ce d'indiquer et de disposer les mesures à prendre pour atteindre ce sage milieu prescrit par la raison? À la prudence, car ce n'est que par la bonne disposition des moyens que l'on peut y parvenir. 8. Le commandement est-il le principal acte de la prudence? Si la prudence est la droite raison appliquée à nos actions, son principal acte est le même que celui de la raison dans les choses pratiques. Or cet acte, c'est le commandement, qui met en œuvre les moyens fournis par le conseil et approuvés par le jugement. 9. La sollicitude appartient-elle à la prudence? Il est écrit, soyez prudents, éveillés dans la prière. 1 Pierre 4, 7. La vigilance et la sollicitude sont synonymes. Donc la sollicitude fait partie de la prudence. Le mot sollicitude semble venir de sollicitus, habile et prompt, parce que les hommes habiles sont prompts à réaliser ce qu'ils doivent faire. Tel est le propre de la prudence, dont les principaux actes sont de prescrire, pour la pratique, ce que le conseil a résolu. Il faut exécuter promptement une résolution, disait le philosophe, mais être lent à la prendre. La sollicitude, ainsi entendue, appartient manifestement à la prudence. Saint Augustin fait observer que la prudence est une sentinelle qui déploie en nous la plus grande vigilance pour accomplir ce que nous avons à faire, dans la crainte que, par l'effet d'un mauvais conseil qui pourrait se glisser insensiblement dans notre esprit, nous ne tombions dans quelques égarements. Note. Le mot sollicitude, pris dans le sens que lui donne notre saint docteur, n'est pas reçu dans notre langue. Nous préférons celui de vigilance, qui en est le synonyme, indiqué dans cet article même. Le mot diligence rendrait la même idée. Fin de la note. 10. La prudence s'étend-elle au gouvernement de la multitude? Au dire de certains philosophes, la prudence se borne au bien de l'individu, mais ce sentiment répugne à la charité, qui, d'après saint Paul, ne cherche point ses propres intérêts. 1 Corinthiens 13, 5. La raison nous enseigne que le bien commun l'emporte sur le bien d'un seul, puisque c'est à la prudence de conseiller, de juger et de prescrire les moyens d'arriver aux fins que l'on doit se proposer, elle a pour objet, non seulement le bien particulier d'un homme, mais encore le bien commun de la société. Elle s'étend donc au gouvernement de la multitude. 11. La prudence qui regarde le bien particulier est-elle de la même espèce que celle dont le bien commun est l'objet? Les habitudes changent d'espèce lorsqu'elles se rapportent à des fins diverses. Comme il y a diversité de fins dans le bien propre, dans le bien de la famille, dans le bien d'une ville ou d'un royaume, la prudence change nécessairement d'espèce, selon qu'elle se rapporte à l'un ou à l'autre de ses biens. Ainsi il y a la prudence proprement dite, qui a pour objet les intérêts de l'individu, la prudence économique, qui se rapporte au gouvernement d'une maison ou d'une famille, et la prudence politique, qui concerne le bien général d'une cité ou d'un royaume. 12. La prudence politique est-elle dans les sujets, ou seulement dans les princes? Tout homme, en qualité d'être raisonnable, devant avoir une prudence relative à la position qu'il occupe dans l'État, la vertu de prudence doit exister non seulement dans les princes, mais encore dans les sujets, elle est dans les princes, comme l'art dans l'architecte, dans les sujets, comme l'art dans les ouvriers. 13. La prudence peut-elle être dans les pécheurs? Il est une fausse prudence qui consiste à trouver les moyens de parvenir habilement à une mauvaise fin, comme quand on dit « cet homme est un habile fripon, un prudent voleur, elle est le partage exclusif des pécheurs ». Saint Paul l'appelle la prudence de la chair, Romains 8, 6. On lui donne communément le nom d'astuce. Il y a ensuite une prudence vraie, mais imparfaite, qui, ne se proposant pas la véritable fin de l'homme, tend néanmoins à un but légitime, elle est commune aux bons et aux méchants. C'est la prudence du pilote ou du négociant, c'est même, jusqu'à un certain point, celle de l'homme qui donne de bons conseils sur l'ensemble de la vie humaine dont il fait une juste appréciation, mais qui manque dans l'acte principal de la prudence par défaut d'un commandement efficace. La prudence vraie et parfaite conseille, juge et commente très bien ce qui se rapporte à la fin légitime de la vie entière. Celle-là, la seule qui mérite absolument le nom de prudence, ne se trouve pas dans les pécheurs. 14. La prudence est-elle dans tous ceux qui ont la grâce? Quiconque a la grâce est un homme vertueux. Or, pour être vertueux, il faut la prudence, car Saint Grégoire dit très bien, les vertus qui ne tendent pas à leur but avec prudence ne sont pas vraies. Tous ceux qui ont la grâce ont donc la prudence. Nous l'avons dit, les vraies vertus sont tellement unies que celui qui en possède une les a toutes. Avons-nous la grâce? Nous avons la charité, et, avec la charité, les autres vertus, dont la prudence fait partie. Note. La prudence, direz-vous, exige une certaine science que l'on ne rencontre pas dans plusieurs qui ont la grâce. De plus, l'homme prudent est un bon conseiller, et, parmi ceux qui ont la grâce, il en est beaucoup qui ont plutôt besoin de recevoir eux-mêmes des conseils. Combien de jeunes gens ne sont point prudents, quoiqu'ils aient la grâce? Nous répondons que tous ceux qui ont la grâce ont toujours la science suffisante pour ce qui est de nécessité de salut, que ceux qui, pour leur conduite, ont besoin de conseils, ont du moins la prudence d'en demander et de discerner les bons des mauvais dans l'affaire du salut, qu'enfin les jeunes gens, dans l'état de grâce, ont, pour tout ce qui est nécessaire au salut, la prudence surnaturelle, bien qu'il n'ait pas la prudence acquise, qui, produite par la répétition des mêmes actes, exige de l'expérience et du temps. Fin de la note. 15. La prudence est-elle en nous par nature? La prudence, qui fait l'application des principes universels aux choses particulières, n'est pas en nous par nature. Sans doute, les premiers principes généraux nous sont naturellement connus, mais on en saurait dire autant des conséquences qui en découlent, celles-ci, nous les tenons de l'expérience ou de l'éducation. On peut avoir une inclination naturelle pour les fins que la vie humaine doit atteindre et qui sont déterminées à l'avance. Aussi avons-nous vu que plusieurs hommes sont enclins à certaines vertus par leur nature même. Ils ont évidemment reçu de la nature le don de porter un jugement droit sur leurs fins légitimes. Mais, comme la prudence s'occupe moins des fins que des moyens, qui sont variés à l'infini, et dont l'inclination naturelle, laquelle se rapporte toujours à quelque chose de déterminé, ne nous donne pas la connaissance. Elle n'est pas dans les hommes un produit de la nature, bien que les uns soient naturellement plus aptes que les autres à faire un bon choix des moyens. Note. On peut dire que la prudence reçoit de la nature ses premiers éléments, mais qu'elle n'arrive à son complément que par l'exercice ou par la grâce. Fin de la note. 16. Peut-on perdre la prudence par l'oubli? L'oubli atteint nos connaissances, et voilà pourquoi on peut oublier totalement un art, et même les sciences. Mais la prudence ne consiste pas seulement dans l'érudition, elle dirige encore nos appétits, car son principal acte est de commander, c'est-à-dire d'appliquer nos connaissances à nos désirs et à nos actions. Il se peut, dès lors, qu'elle ne soit pas détruite directement par l'oubli, elle est plutôt viciée par les passions, selon cette parole de Daniel. La beauté t'a séduit et la passion t'a corrompu le cœur. Daniel 13, 56. Aussi lisons-nous dans la loi mosaïque, ne reçois pas de présents, ils aveuglent même les hommes prudents. Exode 23, 8. L'oubli, toutefois, peut lui nuire, parce que, dans les actes qu'elle commande, elle part de certaines connaissances qu'il peut faire perdre. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.